L'huile de Faltenin, de Alcool, de Guillaume Apollinaire, enregistré pour LibriVox.org, à lui de Gonzague Frick. Sirène, j'ai rampé vers vos grottes, tiriez aux mers la langue, en dansant devant leurs chevaux, puis battiez de vos ailes d'ange, et j'écoutais ces cœurs rivaux. Une arme, ô ma tête inquiète, j'agite un feuillard défleuri, pour écarter la laine tiède qu'exhale contre mes grands cris vos terribles bouches muettes. Il y a là-bas la merveille auprès d'elle, que valez-vous? Le sang jaillit de mes autels à mon aspect, et je l'avoue, le meurtre de mon double orgueil. Si les bateliers ont ramé, loin des lèvres, à fleur de l'onde, mille et mille animaux charmés, flairant la route à la rencontre de mes blessures bien-aimées. Leurs yeux étoiles bestiales éclairent ma compassion, qu'importe ma sagesse égale, celle des constellations, car c'est moi seule nuit qui t'étoile. Sirène, enfant je descends dans une grotte avide, j'aime vos yeux, les degrés sont glissants, au loin que vous devenez naine, n'attirez plus aucun passant. Dans l'attentive et bien apprise, j'ai vu feuilleler nos forêts, mer le soleil se gargarise, où les matelots désirés que vergues et mâts reverdissent. Je descends, et le firmament s'est changé très vite en méduse, puisque je flambe atrocement, que mes bras seuls sont les excuses et les torches de mon tourment. Oiseau, tiriez aux mers la langue, le soleil d'hier m'a rejoint, les autels nous ensanglantent dans le nid des sirènes, loin du troupeau d'étoiles oblongues. Fin du poème, enregistré par Simona Rousseau. Cet enregistrement fait partie du domaine public.